demandez le temps de San Antonio. » San Antonio répondit : « Vent d'ouest se lève et tempête à l'ouest. Ciel, 4/4 couvert. » San Antonio entend très mal à cause des parasites. « J'entends mal aussi. Je crois être obligé de remonter bientôt l'antenne à cause des décharges. Ferez-vous demi-tour ? Quels sont vos projets ? Foutez-moi la paix. Demandez le temps de Bahia Blanca. » Bahia Blanca a répondu : « Prévoyons, avant 20 minutes, violent orage ouest sur Bahia Blanca. » « Demandez le temps de Trelew. » Trelew a répondu : « Ouragan, 30 mètres secondes ouest et rafale de pluie. » « Communiquez à Buenos Aires. Sommes bouchés de tous les côtés. Tempête se développe sur 1000 kilomètres. Ne voyons plus rien. Que devons-nous faire ? » Pour le pilote, cette nuit était sans rivage, puisqu'on ne conduisait ni vers un port, ils semblaient tous inaccessibles, ni vers l'aube. L'essence manquerait dans 1h40. Il pensa qu'il était cerné. Tout se résoudrait, bien ou mal, dans cette épaisseur.